écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. Jean d'Ormesson. Lydie Salver. Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Catherine Pontimbert s'entretient avec André Brink, récemment disparu. Ce soir encore, France Culture rend hommage à l'écrivain André Brink, récemment disparu à l'âge de 79 ans. En 2006, Catherine Pontimbert le rencontrait. On vous présente assez volontiers André Brink comme un écrivain engagé, notamment l'un de ceux qui ont permis au monde de comprendre les réalités de l'apartheid, moins souvent comme un auteur de la sensualité, des corps, de l'amour, ce que vous êtes pourtant également. Et si l'on s'arrête à la face sensuelle de vos textes, on découvre l'importance accordée au corps et l'intime lien entre la rencontre amoureuse et le déploiement de l'imaginaire littéraire. Écrire l'amour est un exercice peut-être plus risqué sur un plan strictement esthétique que de parler de réalité sociale ou politique. C'est peut-être au fond l'exercice littéraire le plus difficile, André Brink. Je crois que je suis essentiellement d'accord, oui. Aussi, parmi d'autres choses, parce que c'est un territoire exploré, traversé par tant d'écrivains, dans presque toutes les langues, pour des raisons diverses, non pas seulement d'aller au fond d'une expérience profonde humaine, mais des fois tout simplement pour gagner de l'argent. C'est devenu une expérience assez facile de raconter une histoire et d'intéresser des lecteurs sur le plan superficiel. C'est pour ça donc qu'il y a pas mal de dangers à éviter, mais aussi pas mal de défis auxquels on doit et qu'on peut répondre. Et c'est justement pour ça qu'il reste au sein de cette expérience qui concerne le domaine le plus intime, donc aussi le plus révélateur de l'esprit humain, que je ne peux ne pas m'y venturer. Je ressens le défi de ce territoire et je voudrais donc répondre à ceci avec mes écrits, au défi que ça pose aussi au langage même, parce qu'il faut toujours éviter des clichés et il existe tant de ces hérissés de clichés, ce territoire-là. Donc, ça nous pousse, ça me pousse toujours à l'exploration des possibilités de trouver un autre langage, d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons de penser à l'expérience intime de l'être humain. Les jeux de l'amour et la narration sont interchangeables. Les jeux de l'amour sont une forme de narration, dites-vous, dans L'amour et l'oubli, qui est votre dernier roman, André Brink, paru en 2006. C'est important, ça, ce jeu de l'amour et de la narration. Oui, c'est une variation du jeu d'amour et du hasard de Marivaux. Mmh. Et ça va, j'espère, un peu plus loin que le jeu des surfaces qui s'installe chez Marivaux et les autres de son siècle. Bien que je les trouve assez fascinants, je l'aime bien. Mais certainement, il y a quelque chose de ludique au sein de l'expérience amoureuse et au sein de l'expérience du langage, de la narration qu'on entame chaque fois qu'on essaie d'écrire une histoire. Et comme vous avez suggéré, la narration, ça devient une autre forme, une autre approche à l'amour. Et l'amour raconte ses propres histoires à travers les développements et les sondages qu'elle effectue. Oui. Au fond de l'esprit, au fond de la conscience. L'amour et l'oubli est une confession qui est souvent très intime, mais je crois jamais impudique, sur le rôle de l'amour, alors à travers les différents visages de femmes qui l'ont incarné, dans la vie d'un écrivain. Alors vous avez choisi un personnage d'écrivain, André Brink. Ça n'est pas un hasard. Amour et écriture, bien sûr, en partie liés. Et de ce fait, vous nous invitez malgré tout à lire ce texte comme une sorte de biographie, biographie fictive bien évidemment, mais biographie tout de même. Oui, ça a l'air, l'apparence d'une biographie, mais bien sûr, comme vous l'avez suggéré, il ne s'agit pas tout simplement d'un double à moi, d'une sorte d'autobiographie un peu dissimulée, parce que c'est vraiment une exploration d'un personnage que j'ai créé et que je voulais examiner, que je voulais prober, que je voulais sonder afin d'arriver encore une fois au bout de ce que peut m'aider à comprendre ce personnage, cet individu, cette collection d'expériences humaines qui s'expriment à travers un personnage. C'est toujours une question d'explorer non pas seulement le paysage, donc la surface d'une réalité narrative, mais tout ce qui se trouve au-dessous, à l'intérieur de ce paysage, afin de me raconter les éléments qui constituent ce personnage et toutes ses expériences. Et ça a pour moi une fascination sans fin. Ce personnage, dans l'amour et l'oubli, pourrait paraître un homme très superficiel, une sorte de consommateur de femmes, oui. Puisque beaucoup de femmes, bien sûr, ont croisé sa vie. Et en même temps, on comprend bien, à vous lire, que ces expériences amoureuses sont des expériences de vie absolument irremplaçables pour lui et qu'il se construit à travers les femmes qu'il rencontre et qu'il aime. Oui. Autrement dit, ça n'est pas superficiel. Au contraire, j'espère. Parce que, bien que sur la surface, lui est peut-être en train de faire collection de femmes, comme le faisait Don Juan ou comme le faisait Casanova, mais il fait quand même, au fond, quelque chose d'assez différent, parce qu'il s'intéresse vraiment, sincèrement, profondément à la qualité unique de chaque femme qu'il rencontre. Donc, d'essayer de comprendre un tout petit peu plus de chaque être féminin qu'il rencontre. Ce n'est pas seulement une question de se servir des femmes en passant, de se servir d'elles pour lui essayer de comprendre mieux le monde. Donc, de s'intéresser toujours à lui-même et pas aux autres. Il a un intérêt, il porte un intérêt très réel à toutes les femmes qu'il rencontre. Il essaie de les comprendre de l'intérieur. Donc c'est chaque fois un voyage de découverte qui va à l'intérieur, non pas d'un pays, mais d'un personnage, d'un individu. Et vous avez construit, André Brink, le récit de l'amour et l'oubli sur une alternance intéressante entre deux pôles, l'amour d'un côté et la guerre de l'autre, puisque le récit de la mémoire amoureuse de cet écrivain est ponctué par des nuits blanches pendant lesquelles il regarde la guerre d'Irak, en l'occurrence, à la télévision. Et c'est vraiment une étrange alternance que celle de l'amour et de la guerre dans ce roman. Oui, d'une façon, c'était quelque chose qui m'est que j'ai expérimenté tout à fait par hasard, parce que c'était juste au moment où je me suis mis à écrire ce roman que d'éclater la guerre de l'Irak. Et c'était vraiment littéralement en regardant la télévision que je me suis mis à écrire ce roman. Donc c'était quelque chose de donné peut-être. Mais en même temps, ça me devenait, en tant qu'expérience que je vivais à travers la télé et à travers les souvenirs et les images que j'essayais de reconstituer en narrative, c'était un nouveau monde que j'essayais d'explorer, de découvrir. Et ça m'a démontré, au cours de la narration, qu'il y a pas mal de points en commun entre l'amour et la violence. Il se trouve pas mal de violence au sein de l'expérience de l'amour. Mais ce qui est drôle, c'est que l'inverse peut aussi être vrai, qu'on peut découvrir des formes d'expression d'amour au sein de la violence. Les deux sont liés d'une façon assez déconcertante. Donc ça pose des questions à n'importe qui essaie de s'interroger sur ces points qu'ils ont en commun, l'expérience de la violence et l'expérience de l'amour. Et ça devient donc une recherche qui a ses propres justifications. Mais d'ailleurs, moi j'ai l'impression que votre personnage, Chris, est à la fois fasciné et repoussé par ces images d'une guerre dans laquelle on voit des corps d'hommes se battre, se tuer, ces mêmes corps d'hommes qui vont ensuite faire l'amour à des femmes. Oui, oui. C'est là aussi une sorte de confusion qui apporte une clarté inattendue au mélange de ces deux expériences qui, à première vue, sont des pôles opposés, mais qui, enfin, au fond, sont des expressions d'une même attitude vers le monde. La violence, ça devient peut-être plutôt le côté masculin de cette expérience, l'amour peut-être le côté féminin de cette expérience, mais ils sont liés, on ne peut pas le nier. Et c'était à travers de l'écriture de ce roman, en regardant la guerre en Irak, que j'ai fait pas mal de découvertes sur la nature de la violence et la nature de l'amour. Vous parliez, André Brink, de Don Juan ou de Casanova à propos de votre personnage. C'est probablement de ce côté-ci, peut-être plutôt du côté de Casanova d'ailleurs, qu'il faut lire le fait que ce personnage déchiffre les femmes comme un verre de vin en identifiant toutes les odeurs qui titillent le palais et le nez. C'est un personnage qui a un rapport d'une très très très grande sensualité aux femmes et le texte est un texte d'une grande sensualité. Ah oui, et pour moi la sensualité, ça donne un accès à la vie qui devient inévitable et très très nécessaire à vraiment s'insérer au fond de l'expérience humaine. C'est un engagement avec l'amour, un engagement avec la vie, à travers les sensations du nez, des yeux, des oreilles, de la langue et tout ceci. Et c'est un début, mais c'est un début absolument nécessaire afin d'aller plus loin dans la découverte. Et vous couvrez, et ça c'est assez remarquable, à peu près toute la palette de ce que l'amour peut éveiller, parce que vous liez également beaucoup le sentiment amoureux à l'amitié. La dernière relation que votre personnage vit avec une femme qui d'ailleurs meurt dans ses bras et qui s'appelle Rachel, c'est un sentiment très fort où amour et amitié sont vraiment très étroitement liés, et on a presque du mal à les dissocier. Ah oui, c'est inévitable, vraiment, quand il s'agit d'un véritable amour. Très souvent, on confond les superficialités de l'amour physique, l'attraction purement sexuelle avec l'amour qui comporte quand même une dimension énorme d'amitié. Et ça, c'est quelque chose de quoi je suis devenu de plus en plus conscient au cours, surtout de ces deux dernières années, quand après pas mal de temps de solitude de ma vie, j'ai vraiment rencontré quelqu'un, quelqu'une qui se trouve à mes côtés et qui partage ma vie d'une façon profonde comme je ne l'ai jamais connue auparavant. Et là, c'est vraiment une amitié absolument profonde qui s'exprime à travers l'amour. Et c'est une joie perpétuelle. Nous parlons de l'amour et de l'oubli, votre dernier roman, André Brink, mais je ne voudrais pas laisser penser que l'amour vient d'arriver dans votre œuvre. Ça n'est absolument pas le cas. On peut prendre d'autres exemples, peut-être parler des droits du désir, par exemple. C'est un roman qui était paru en 2000 et qui mettait en scène un personnage de veuf, sexagénaire, qui se croyait totalement au-dessus des turbulences de la vie et qui soudain renouait avec le désir et qui tombait éperdument amoureux d'une jeune femme qui, par ailleurs, incarnait aussi le renouveau de l'Afrique du Sud. Alors ça nous renvoie peut-être à un autre lien qui serait celui du lien entre l'amour et le pays. Ah oui, je crois que mes premières tentation vers l'amour, c'était à travers mon pays, c'était la conscience des réalités physiques de l'Afrique du Sud. C'était la sécheresse, c'était la dureté de l'intérieur où je grandissais. On ne peut jamais échapper au sens de l'énormité, l'immensité de l'espace africain que à l'intérieur du pays, avec ses couchers de soleil splendides, spectaculaires, qui tout d'un coup changeaient la réalité assez monotone des jours quand il y avait une chaleur intolérable qui régnait sur tout le paysage, et puis les douceurs des soirs, après cette expérience spectaculaire des couchers de soleil, et puis les nuits avec les étoiles énormes qui donnaient l'impression de se trouver beaucoup plus près, proche de la Terre et de l'humanité sur cette Terre. Donc il y avait ces sensations de la réalité, de la physicalité, la matérialité d'un paysage, d'une terre. Mais en même temps, c'était une expérience qui dépassait ce qui était purement physique, purement matériel. Ça donnait accès, il y avait toujours la possibilité de s'attendre à quelque chose d'en plus, quelque chose qui se trouvait juste au-delà de ce qui était visible ou tangible ou accessible aux autres sens. Donc, on vivait dans plusieurs dimensions en même temps, et je crois que ça m'a préparé pour les expériences de l'amour qui se trouvent qui se manifeste comme une sorte d'extension de cette première expérience du paysage. Mais à vous entendre parler, André Brink, de ce pays dont les paysages sont une véritable invitation à l'amour, on se dit qu'il est tout de même incroyable que ce soit ce même pays qui est réglementé dans un texte qui s'appelait l'Immorality Act, qui est réglementé les relations amoureuses en interdisant les mariages et les relations sexuelles entre des personnes de races différentes. Ah oui, c'est là quelque chose qui se trouvait absolument au centre de l'horreur de l'apartheid. Parce que ça se mêler de ce que l'être humain a de plus intime, où on peut être le plus chez soi, où on peut s'exprimer de la façon la plus immédiate. Et puis là intervenait justement tout le système des lois de l'homme, d'un régime atroce. C'est donc aussi la raison pourquoi des transgressions sur le plan sexuel devenaient tout d'un coup et tout de suite et inévitablement des expressions politiques. Et c'était ce mélange de la politique et la sexualité qui, pour un écrivain, je crois, c'est un territoire assez fécond d'explorer. Et dès mes premières tentatives dans le roman, certainement déjà d'une façon assez marquée, dans « Au plus noir de la nuit », il ne s'agissait pas tout à fait immédiatement d'un défi porté à... au système politique de l'Afrique du Sud. C'était une expérience intime, sexuelle, mais qui avait des connotations qui ne pouvaient que être politiques en même temps. Et c'est pour ça aussi que je me suis de plus en plus politicisé, parce que ça devenait une extension de ce qui m'intéressait au fond. Et c'était des relations avec d'autres, les relations sur le plan physique, y compris et surtout, de façon très importante, des relations sexuelles. Votre œuvre romanesque, André Brink, est jalonnée par des personnages de femmes très forts, et il se trouve que plusieurs d'entre elles sont inspirées d'Antigone. Anaïx, dans Au-delà du silence, l'était, mais Antigone est également extrêmement souvent évoquée dans L'amour et l'oubli. C'est une figure féminine qui, apparemment, est importante pour vous. Ah oui, pour moi, elle a presque toujours été une figure de proue. C'était... ce personnage qui est l'incarnation du défi lancé au monde, et au monde masculin d'abord, qui m'a rendu la figure d'Antigone dès le début, quelqu'un qui était vraiment central. C'est une figure clé dans mon expérience du monde. On pourrait dire que le personnage de Mélanie, par exemple, dans Une saison blanche et sèche, est elle aussi une sorte d'Antigone, cette jeune femme qui se dresse face au pouvoir et qui accomplit son devoir en sacrifiant l'amour, puisque son pays, dit-elle, lui interdit l'amour simple, la vie de famille, la maternité. Ah oui, je crois que j'ai toujours ressenti une attraction... presque fatale, mais dans le meilleur sens du mot, pour ces femmes qui renoncent à l'ordinaire de la vie afin de vivre quelque chose de plus grand, de plus important, qui ne peut pas être défini de façon satisfaisante ou facile, quelque chose qui dépasse l'ordinaire. J'ai l'impression, André Brink, au-delà et par-delà les thèmes politiques ou même l'amour dont nous avons parlé toute cette semaine, vous êtes peut-être profondément fasciné par la question de la solitude, c'est-à-dire les efforts et les difficultés de chacun d'entre nous pour entrer en contact avec ses semblables, pour rejoindre quelqu'un sur Terre finalement. Ah oui, je crois que la solitude c'est vraiment une sorte de complément pour l'amour. Et certainement dans ma perception de la femme, la solitude joue un rôle très très grand, parce que c'est surtout dans la solitude où on est plus ou moins écarté du monde ordinaire qu'on peut reconnaître plus clairement les apparences, les manifestations de l'autre dans la forme de la femme. Parce que c'est dans la solitude qu'on se reconnaît à travers la réalité d'une femme. Donc ce n'est jamais une question tout simplement de se servir d'une femme afin d'arriver à une clarté plus grande, mais de aller à la recherche de l'autre afin de commencer à se connaître un peu plus amplement. Et c'est peut-être pourquoi... dans l'écriture de n'importe quel roman, j'avais toujours, jusqu'à assez récemment, eu ressenti la nécessité de tomber amoureux de mes personnages féminins dans mes romans, afin de pouvoir écrire. Et ce n'était que assez récent que je crois avoir fait un peu de progrès. Et c'était surtout avec le personnage de Anaïx. Au-delà du silence, où je l'ai constaté de façon très très claire, parce que je voulais presque consciemment créer, construire un personnage dont on ne pouvait pas tomber amoureuse. Elle était tellement défigurée, blessée par ses expériences atroces, donc elle n'avait pas l'apparence de quelqu'un avec qui on peut tomber amoureux, mais je suis allé au-delà de l'expérience de tomber amoureux. Je ressentais à travers cette expérience que j'ai commencé à l'aimer, et ce qui est quelque chose de beaucoup plus profond que seulement la passion d'un instant. Fin de cette rencontre de Catherine Pont-Imbert avec André Brink, enregistrée en 2006. Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre. Culture, un été d'écrivain. Thank you. Métier d'écrivain, deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures d'une ou plusieurs de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous avons choisi de vous faire entendre des extraits des mémoires d'André Brink, publiés chez Actes Sud, sous le titre « Mes bifurcations ». L'auteur s'y exprime sur sa vie, sur son pays, narration et réflexion alternent. Peu à peu, il dessine l'histoire d'un Sud-Africain né en 1935 qui condamne les horreurs de l'apartheid comme les dérives du gouvernement actuel sans jamais s'affranchir de l'amour qu'il porte à cette terre qu'il n'a jamais quittée. Une réalisation de François Christophe. Mes bifurcations. Mémoire d'André Brink. Page choisie par Michel Pomarède avec Jean Ocotrel. Cinquième et dernier épisode. Nelson Mandela est libéré en février 1990. Les premières élections démocratiques ont lieu en avril 1994. L'Afrique du Sud a changé de visage depuis la fin de l'apartheid. Dans ses mémoires, André Brink revient sur ses jours de liesse, mais son enthousiasme laisse vite place à la critique. L'écrivain dénonce la violence, la corruption, la pauvreté, le chômage. Il devient alors un opposant du pouvoir noir tenu par l'ANC, avec la même énergie qu'il avait mise à combattre le régime de l'apartheid. La naissance de la nouvelle Afrique du Sud fut le fruit d'un événement inattendu. Début 1990, le vieil empereur fou, Peter Botha, dont les rages apoplectiques et l'intransigeance avaient mené le pays au bord du gouffre pendant les années 1980, fut victime d'une attaque qui laissa de graves séquelles. Flanqué par le ministre des Affaires étrangères, Pic Botha, Frédéric de Klerk ne perdit pas un instant pour chausser les souliers du chef non regretté. Ce n'était pas forcément un gage de changement. De Klerk était encore perçu comme un sinistre personnage, très à droite, initiateur au Parlement de certaines des lois les plus odieuses de l'apartheid. 1989 fut une année mauvaise mais fascinante, vacillant entre deux centres du pouvoir, le président Peter Botha et Frédéric de Klerk, chef du National Party. L'issue était prévisible. Assisté par le ministre des Affaires étrangères, de Klerk surpassa Peter Botha et prit sa place, reléguant au second plan le méchant vieillard qui, privé de ses pouvoirs, tenta, décérébré qu'il était, de tirer les ficelles de marionnettes qui ne dansaient plus sur sa musique. Le reste fait désormais partie de l'histoire. Même si toutes ses fibres, tout ce qu'il avait été dans le passé, durent s'insurger, de Klerk fut assez fin politicien pour décrypter les signes des temps, flairer l'atmosphère qui régnait désormais dans le pays et agir en conséquence. Il agit dans un contexte mondial modifié par des événements tels que la chute du mur de Berlin, la libération de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, la grogne en Amérique latine et en Afrique. Tout à coup, l'Union soviétique ne pouvait plus être brandie comme un épouvantail, responsable d'avoir conduit le violent autoritarisme sud-africain aux ultimes excès de l'apartheid. De Klerk capitula pour cette raison, mais compte tenu aussi du nouvel élan mondial en faveur des libérations nationales, de l'accroissement phénoménal des oppositions de l'intérieur et de l'extérieur, qui prenaient des formes multiples, sanctions économiques, manifestations syndicales, agitations dans les églises et les universités, apparition de jeunes et vigoureux leaders noirs au sein et au pourtour de l'United Democratic Front. Mais de Klerk eut assez de talent et de rouerie pour le faire avec panache. Manifestement encore persuadé qu'en lançant un mouvement de réforme, il pourrait le contrôler et définir ses paramètres et sa synergie, il catapulta le pays dans un avenir nouveau lors de son allocution historique au Parlement le 2 février 1990. Il promit tout à la fois un débat sur la peine de mort, un moratoire des exécutions, la fin de l'interdiction des mouvements pour la liberté et la libération des prisonniers politiques, y compris Mandela. Nous regardâmes incrédules l'écran de la télé, et puis tout de suite après, nous avons téléphoné à quantité d'amis, alors que dehors, des fenêtres et des voitures qui tout à coup formèrent comme une parade dans les rues, sortaient les poings brandis du salut sud-africain, noir et blanc. On aurait dit le carnaval. En même temps, cela paraissait irréel parce qu'il régnait un grand silence. Les gens étaient tellement surpris, ébahis. Ça ne pouvait pas être vrai. Ça ne pourrait pas durer. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple. Ce sont vos sacrifices héroïques qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Ces mots sont les premiers prononcés en public par Nelson Mandela depuis plus de 27 ans. Le leader noir est sorti libre à pied, avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu de la prison Victor Verster de Parle. Le 11 février 1990, devint l'un de ces jours, et pas simplement pour les Sud-Africains, que quiconque l'a vécu n'oubliera jamais. Un jour à commémorer, longtemps, comme celui de la chute du mur de Berlin. Un jour où, selon les mots ailés de Santayana, l'humanité s'est mise à rêver dans une clé différente. Les marchandages de dernière minute dans les coulisses, les coups d'éclat et les efforts effrénés pour tout arrêter ou lancer l'affaire dans une direction différente, tout cela ne fut connu que plus tard. Ce que nous, les citoyens d'Afrique du Sud, nous vîmes comme le reste du monde sur nos écrans de télé, ce fut un homme de grande taille, grisonnant, impeccablement vêtu, un septuagénaire qui tenait la main de sa femme pour traverser avec de longues et lentes enjambées le jardin paysager de la prison Victor Verster aux environs de Parle, à 60 kilomètres du Cap, vers la foule immense massée dehors. Alors, avec une incroyable soudaineté, un mythe se transforma en être humain. Le rêve impossible acquit une effarante réalité. Nelson Rolihlahla Mandela était libre. Je me trouvais à Grahamstown. Malgré tous mes efforts, il me fut impossible de me libérer et de me rendre au Cap pour l'occasion. Depuis plusieurs années, je travaillais sur mon roman « Un acte de terreur » dont la marche de Mandela vers la liberté formait un épisode clé. Quand j'ai écrit ce passage, c'était encore une vision quasi impossible du rêve qui avait permis au pays de résister pendant si longtemps. Or voilà que, de façon incroyable, cela arrivait sous mes yeux. J'étais assis devant la télé avec ma machine à écrire, j'écrivais les dernières pages du roman. Ma vision se troubla, je pleurais. Mais je voyais mieux que jamais auparavant. C'était comme se mouvoir dans un autre espace-temps, un type différent de réalité. Soudain, tout semblait à portée de main. Plus tard, j'écrivis ceci. Nous avons accompli l'impossible. Maintenant, il nous reste à accomplir le possible. Ce qui s'est révélé beaucoup plus difficile que nous ne l'avions cru. Mais nous avions franchi le seuil. Mandela était libre. Il est encore ardu de trouver les bons mots pour parler des événements de ce jour d'été torride et de ce qui s'ensuivit. Certes, j'étais transporté de joie, mais j'avais aussi mes doutes, pesants, persistants. Je ne faisais pas confiance à de Klerk, connaissant l'homme depuis nos années à l'université de Potchefstroom. Nous n'avions jamais été amis intimes. Il avait toujours été résolument du côté de l'establishment et prenait bien soin de faire tout ce qu'il fallait pour atteindre le sommet de la hiérarchie des affaires estudiantines. J'avais toujours été, quoique avec prudence, un hérétique. Je penchais de l'autre côté. Mais dans une université aussi modeste, nous nous connaissions tous et étions tous liés par la notion d'appartenance à une même famille. En outre, à l'époque, je soutenais encore le National Party et j'avais un fort sens historique de mon identité d'Afrikaner. Peu après le 11 février, je lui écrivis, le félicitant pour sa prise de position. J'exprimais dans ma lettre le souhait qu'il continue dans cette voie. En même temps, je précisais que dans quelques semaines, je partirai pour l'Europe, et savais d'avance que dans plusieurs pays, je serais contacté par des journalistes et des hommes politiques qui me demanderaient mon point de vue sur le changement de climat politique en Afrique du Sud. Que devrais-je leur répondre, lui demandai-je. Compte tenu que j'étais encore sous surveillance constante de la Special Branch, la SB, que mon courrier continuait d'être ouvert et que mes coups de téléphone étaient interceptés. Quelques semaines plus tard, juste avant mon départ, je reçus une brève réponse officielle de la présidence. Mr. De Klerk demanderait à la police d'étudier l'affaire. S'ensuivit une longue et difficile marche vers la liberté. Bien après que les négociations eurent commencé à entraîner le pays vers une nouvelle donne, l'Afrique du Sud ploya sous des vagues de violence, fomentées notamment par l'Inkatha Freedom Party, dominée par les Zoulous lors de campagnes qui avaient souvent leur origine dans la province du Natal, pour ensuite se répandre vers le Witwatersrand et ailleurs. Le massacre le plus sanglant eut lieu à Boipatong, où il semblerait que l'IFP ait bénéficié de l'entier soutien de la police. Moment d'une grande obscénité, immédiatement après ce drame, De Klerk se rendit à Boipatong, escorté par les policiers soupçonnés d'avoir été au cœur du massacre. Plus d'une fois, nous parûmes devoir sombrer dans le découragement, le désespoir, un nouveau cycle d'irruption de violence incontrôlable. Même après qu'une date eût été annoncée pour nos premières élections démocratiques, il fut difficile de croire qu'un tel jour arriverait. Jusqu'au dernier moment, le matin du 27 avril 1994, le jour J, circulèrent d'inquiétants rapports sur des violences dans de nombreuses régions. Or, presque miraculeusement, tout cela s'arrêta. La journée se déroula dans un climat incroyablement pacifique et tranquille. À 11h, je me rends au bureau de vote le plus proche avec Atwell Jongiban Labonsa, qui s'occupe de mon jardin une fois par semaine et qui a choisi de porter ce jour-là une tenue très classe alors qu'il pleut des cordes. Il est Kossa et pour lui, la pluie est de bon augure. Pour moi, ça l'est moins. Il est en train de vivre une expérience unique. Dans ses 50 ans de vie, ce sera la première fois qu'il votera. Pelotonnés l'un contre l'autre sous un grand parapluie noir, nous partons tous deux pour le centre sportif où une longue file d'attente s'allonge déjà, serpentant le long de la route principale. Juste avant notre arrivée, plusieurs autobus déversent des électeurs des townships afin de pallier la confusion et la congestion des bureaux de vote là-bas. Il est évident que la journée sera longue. Heureusement, quelques malins arrivent avec des monceaux de sacs poubelles noirs qui peuvent servir d'imperméables. Et bientôt se forme ce qui ressemble à une longue procession funèbre entre le bureau de vote et la voie rapide à 500 mètres de là. Mais la foule n'a rien de funèbre. C'est l'un des événements les plus joyeux dont j'ai fait l'expérience. Des poches de conversation le long de la queue qui ne cesse de s'allonger débordent les unes vers les autres pour former une rivière mouvante de paroles. Marivaudage, encouragement, taquinerie, rire, spéculation, en kossa, en anglais, en africane, sans soto. Hommes d'affaires, balayeurs, universitaires, domestiques, dames de la bonne société, femmes de chambre, les nantis et les chômeurs, tous se mêlent aisément et même avec exubérance. À en juger par les badges que certains portent, par les affiches et les drapeaux sur les minibus qui arrivent, avec leur cargaison de plus en plus importante d'électeurs, il est clair que la plupart des 19 partis qui s'affrontent dans ces élections sont également représentés parmi nous. Néanmoins, à ce que j'entends, personne n'emploie un langage politicien. Nous parlons de nos vies, de nos métiers, de nos familles, de l'attente interminable. Le ton est presque insouciant, décontracté. Les rires sont constamment là, juste sous la surface. 2 heures, la demi. 3 heures, la demi. 4 heures, nouvelle distribution de rafraîchissement. Cette fois, il y en a assez pour 20 ou 30 personnes dans la file. Noirs et blancs se pressent autour de la femme qui a apporté la nourriture. « Merci, maman. Merci, maman !» s'écrie-t-il. La demi. Nous sommes parvenus à la périphérie du complexe sportif. Il arrive que les conversations faiblissent. On se tait. Les gens commencent à être très fatigués. Mais qu'importe. Le moindre centimètre gagné en piétinant nous rapproche du but. J'attends depuis 5 heures. Mais je me rappelle une fois encore que pour d'autres, l'attente a duré 30, 40, 50, 60 ans. Et le pays attend depuis des siècles. 5 heures. Nous y sommes presque. Tous les visages qui ressortent des grandes portes devant nous expriment un message radieux d'une plénitude, d'une joie que les mots ne sauraient exprimer. De nouvelles ondes de gaieté traversent la foule. Nous sommes tous devenus les membres d'une grande famille élargie, noir, brun, blanc. Au fil de cette journée, un miracle tranquille a eu lieu. Encore la semaine dernière, des Blancs se sont barricadés chez eux, attendant une vague de violence censée les emporter aujourd'hui. Il arrive exactement l'inverse. Grâce au partage de cette expérience, nous apprenons que nous sommes tous Sud-Africains. Il n'y a plus de doute possible, Nelson Mandela sera le prochain président sud-africain. Hier soir, dans un grand hôtel de Johannesburg, le président de l'ANC s'est adressé aux militants de son parti et à tous ses partisans. This is one of the most important moments in the life of our country. C'est l'un des moments les plus importants dans la vie de notre pays. Je suis là devant vous, rempli de fierté et de joie, tous dans ce pays. You have shown such a calm, vous avez montré une détermination si calme, si patiente to reclaim this country, à reconquérir ce pays own, comme le vôtre and joy that we can loudly que nous pouvons crier sur tous les toits rooftops, free at last. On peut hélas avoir beaucoup, beaucoup d'inquiétudes quant à l'état de la nation. Lorsqu'on constate la fuite continuelle des cerveaux et de la jeunesse, l'absence d'investissements significatifs de la part des pays étrangers et, par-dessus tout, les statistiques catastrophiques de la criminalité en Afrique du Sud, malgré la sournoiserie avec laquelle le ministre de la Sûreté et de la Sécurité et le Bureau des statistiques les falsifient, malgré toute l'imagination avec laquelle ils les interprètent. En dépit de l'indignation que je ressens depuis des années, j'ai essayé avec l'énergie du désespoir d'accorder à l'ANC le bénéfice du doute. Je me suis efforcé de comparer l'Afrique du Sud avec la Russie et d'autres pays dans des situations comparables où la libération passe par des vagues de criminalité, de corruption et d'inefficacité. Et je crois encore que dans le cas d'un pays soumis à ce genre de transformation massive et radicale, il serait peu réaliste de ne pas s'attendre à ces troubles d'ordre socio-économique, psychologique et culturel. Mais de tels arguments peuvent aussi devenir un simple réflexe pour ménager notre confort personnel. La démocratie en Afrique du Sud fonctionne depuis plus d'une décennie, ce qui certes n'est qu'une infime seconde dans l'histoire d'une nation. Il y a longtemps que je le dis, si l'on prend le recul adéquat pour considérer le tableau général, comparer le présent au point où nous en étions parvenus il y a moins de 2 décennies, personne ne peut ignorer la distance que nous avons déjà parcourue depuis le jour inoubliable de février 1990 où Nelson Mandela sortit libre de la prison Victor Vester. Cela ne signifie pas qu'il faille tout tolérer ou excuser. On peut tellement prendre l'habitude d'excuser les gens que cela devient une seconde nature. Et bien sûr, il est toujours plus facile de prétendre que le monde est meilleur qu'il n'est vraiment, parce que, de cette manière, on se sent moins contraint à intervenir et à s'impliquer. Après les longues années d'apartheid, époque pendant laquelle j'ai tenté de m'atteler aux urgences d'une opposition active, ce fut presque un luxe que de se tourner vers d'autres questions. Les nombreuses histoires que je n'avais pas eu le temps d'écrire pendant cet âge des ténèbres, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à raconter. Mais arrive un temps où on atteint une limite. Il existe un seuil où garder le silence devient coupable. Mon temps de silence est épuisé. Plus de 19 000 meurtres et 20 000 tentatives de meurtre l'année passée. 52 600 viols, près de 14 000 détournements, 127 000 vols avec circonstances aggravantes. Notre tsunami criminel n'est pas un phénomène isolé. Ne citons que le refus aberrant du régime de s'impliquer dans la tragédie du Zimbabwe et son autre cécité irrémissible face aux implications de l'épidémie du sida. Notre gouvernement est impliqué dans la mort de milliers, sinon de millions d'êtres humains. Longtemps après que se fut opérée la transition politique en Afrique du Sud, j'ai essayé de me rassurer, à l'instar d'autres dans ma situation, en arguant que tout ce qui n'allait pas dans ce pays ne constituait que des phénomènes de surface, alors qu'un flux en profondeur continuait de couler dans la bonne direction. Aujourd'hui, je suis tenté de croire que ceux qui sont coupables d'injustice en Afrique du Sud ne sont plus l'exception. La nation semble près de trahir les idéaux de Mandela et de Desmond Tutu. Pourtant, en Afrique du Sud, de nombreux individus et organisations sont suffisamment conscients du danger pour s'impliquer et s'assurer qu'on sauve l'essentiel avant que la pourriture menace l'édifice tout entier. La réaction à la victoire de la Coupe du monde de rugby en 2007 révéla de manière spectaculaire le potentiel de rapprochement entre les races et les classes. Mais pour l'instant, on n'accorde pas à cet énorme potentiel l'espace nécessaire pour se développer en toute liberté. La situation globale est encore si catastrophique qu'on tend à se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Deux modestes vignettes tirées du jour du vote dans ma circonscription pourraient inviter à croire à un avenir meilleur. Devant la longue file d'attente de notre bureau de vote, se présente un vieux monsieur noir qui marche avec des béquilles. Un homme d'affaires blanc quitte sa place dans la queue pour escorter le nouvel arrivant jusqu'à l'intérieur du bureau. Il le mène jusqu'aux assesseurs avant de retourner prendre patiemment sa place dans la longue file. Plus tard, en rentrant chez moi, un jeune homme noir s'approche d'une vieille dame blanche en chaise roulante et lui fait traverser les deux voies d'une grande artère avant de reprendre son chemin en sens inverse. La bonne volonté de nos premières élections libres de 1994 ne s'est pas encore totalement évaporée. La nation arc-en-ciel n'est pas défunte. Elle n'a pas dit son dernier mot. Le Parlement nouvellement élu est encore confronté à des défis quasiment insurmontables. Violence, corruption, pauvreté, chômage, services inefficaces ou non existants. Pourtant, le pays n'est pas prêt à aller au rebut et ne veut pas céder à l'afro-pessimisme. Dans un contexte tellement lourd de conflits, dans un pays taraudé par un tel besoin d'approche économique pragmatique difficile et de solutions à la hauteur, la question demeure. Quel pouvoir a vraiment un écrivain, un simple écrivain, face aux réalités sordides et négatives de notre monde? Le verbe est une chose insignifiante en soi, un souffle infime, rien de plus. Toutefois, c'est dans et par le mot que nous prenons d'abord conscience de notre humanité. Tant que nous aurons à notre disposition les mots, nous pourrons rejoindre autrui au sein d'une chaîne de voix qui ne seront jamais bâillonnées. C'est notre unique, notre modeste, notre durable garantie en ce monde et contre ce monde. Tant que cela restera possible, je parlerai. Je ne pourrai pas, je ne voudrais pas me taire. Tant qu'il y aura des bifurcations en chemin, je serai heureux d'emboîter le pas à l'hérétique Don Quichotte. Et je les emprunterai. C'était « Mes bifurcations, mémoire d'André Brink ». Page choisie par Michel Pomarède, avec Jean Aucotrel et Anne Cailleur. Prise de son et mixage, Jean-Louis Deloncle. Assistance technique et montage, Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe.